un sourire d'ange pour un profil de tueur. Dis-moi si tu vois une lueur d'espoir dans le regard des frères. Tant de haine gagnée à la sueur du front, nos conditions sont précaires. Comment gagner sa vie tout en restant digne et fier? L'État se sert de nos faiblesses, baisse les peuples à outrance. Propage sa semence, qu'il en résulte, il s'en balance. Considéré comme à outrance, en marche du système. Des marches de même, s'il sera même face au moindre de nos problèmes. Culture arbi est mal vue, culture khel est mal vue. Facho de Gaouri, bienvenue, pays de Chauvin, trou du cul. C'est là que je vise, vu que dans la merde, en cerf horloge. Que de thèses et de pensées qui poussent les frères à la débauche. En poche, en faciès, discrimination de tout genre. Je ressasse qu'on me ressasse, qu'on est des bons à rien pour pour le sage genre. Pas d'évolution entre nos parents et nous. Sauf que cette génération n'est pas prête à se laisser traîner dans la boue. Debout, frère, faut se battre pour nos droits et peu importe la manière. De toute manière, c'est eux qui font la loi. Regarde autour de toi les mêmes drames aux quatre coins du monde. La combinaison démocratie, injustice et féconde. Encore un lyrique s'affondre, encore des ratailles à pendre. Répondre à la demande et défendre le moindre mot qu'on se pense. Répandre le nom de ma horde comme une traînée de boue sous chaque prince d'Arabie, l'équation que tu ne peux résoudre. Encore un lyrique s'affondre, encore des ratailles à pendre. Répondre à la demande et défendre le moindre mot qu'on se pense. Répandre le message comme une traînée de poudre. Authentique, acerbe, solution que tu ne peux absoudre. Ils se refusent à nous écouter ou du moins à nous entendre. Ils se refusent à nous croire innocents, préfèrent même nous descendre. Nos vérités n'ébranlent rien le système. Pourtant ici misère et exclusion rime avec classe moyenne. On fait même croire aux nuages qui finiront tous rappeurs. Jamais ministre, docteur, juge tout contrôlé de l'intérieur. Devenir un citoyen qui agit sur leur propre terrain. Oublie le rap, c'est juste un kiff et que la fin justifie les moyens. Je pèse rien, walou, en termes économiques. Pouvoir prendre le mic, faire part de ma vision sans trac. Autodidacte dans le rap, j'apprends la vie, appréhende les situations qui dérapent. À toutes tes fautes de frappe. Pas de paranoïa, non mais bon, je me fie pas au hasard. T'as ceux qui décident, exécutent ceux qui se testent. Un bazar organisé, j'ai un autre star cravate déguisé. Le maghrébin craint et le noir mais encore un lyrique s'affondre, encore des ratailles à pendre. Répondre à la demande et défendre le moindre mot qu'on se pense. Répandre le nom de ma horde comme une traînée de boue sous chaque prince d'Arabie, l'équation que tu ne peux résoudre. Encore un lyrique s'affondre, encore des ratailles à pendre. Répondre à la demande et défendre le moindre mot qu'on se pense. Répandre le message comme une traînée de poudre. Authentique, acerbe, solution que tu ne peux absoudre. C'est dans les détails que Shaitan mène toutes ces batailles. Se glisse entre les failles de nos pensées. Des murs qui ont la lèpre, on dirait c'est sûr. Des cailles surmenées par le décor du chicard. Grisaille omniprésente. Chacun sa stratégie, c'est la descente vers l'enfer. Mais on tente quand même risquer nos vues ou subir la parodie d'un paradis à problème. Les cousins ne sont plus des cousins. Les frères encore moins des frères. Mais pour s'appeler, c'est un vase de fils de pute. La pute à ta mère. Les coups de couteau, fus dans le dos, un vrai feu d'artifice. Les mioches, couteau vis trop te deviennent la pâte des déguises pour dickus. Les mineurs font les transacts des majeurs sans scrupules. Sans battre des répercussions, juste une question de pécule. Pellicule plein de clichés, fâchés sur le terrain, c'est le putain de trésor qu'on veut tous dénicher. On triche et alors, après tout, se trouve le juste. Confusion de valeur, pour nous le bonheur commence là où s'arrête mon malheur. Encore un lyrique s'affondre, encore des ratailles à pendre. Répondre à la demande et défendre le moindre mot qu'on se pense. Répandre le nom de ma horde comme une traînée de boue sous chaque prince d'Arabie. L'équation que tu ne peux résoudre. Encore un lyrique s'affondre, encore des ratailles à pendre. Répondre à la demande et défendre le moindre mot qu'on se pense. Répandre le message comme une traînée de poudre. Authentique, acerbe, solution que tu ne peux absoudre. Encore un lyrique s'affondre, encore des ratailles à pendre. Répondre à la demande et défendre le moindre mot qu'on se pense. Répandre le nom de ma horde comme une traînée de poudre. Sous chaque prince d'Arabie, l'équation que tu ne peux résoudre. Encore un lyrique s'affondre, encore des ratailles à pendre. Répondre à la demande et défendre le moindre mot qu'on se pense. Répandre le message comme une traînée de poudre. Authentique, acerbe, solution que tu ne peux absoudre.